Exercice 13, page 61. Et Rose, comment la trouviez-vous? Pierre s'occupait de tout pour elle. Et Simon Barreau, vous vous entendez bien avec lui? Très bien. Nous n'avons jamais eu de problème.